Hey, alors qu'il est. Criez, hip hop. Criez, hip hop. Criez, hip hop. Criez, hip hop. Criez, hip hop. Criez, hip hop. Criez, hip hop. Criez, hip hop. C'est l'exalourd. Mon écriture est née fin des années 1990. Avec des faces innovantes, faisant face à un stade ignorant. Quand le monde depuis l'âge où la famille m'appelait quand le gars qui éveille les consciences. C'est l'exalourd. Et les vrais savours se reconnaissent dans ce que j'avoue. Aucun sujet tabou, j'ai très très ça de bout à bout. Toujours dans le rap, on est chez nous, pas ceux qui touchent à tout. Moi je m'en bats des jaloux. C'est l'exalourd. Ici à l'âge, je me suis promis d'aller voir ce qu'il se passe là-bas. Seulement fallait pas croire que je partirais sans ma part. De mon 4100 natal ou plus communément ma carte. Me remémorant ma cause. C'est l'exalourd. Simple et précis, le message qui véhicule mon vécu. On n'arrête plus ma plume, le fait part dans la récup. Sans aléas, où la chance ne court pas les rues. Mais je contrôle les allées venues. C'est l'exalourd. Le mec aux mille textes, mystérieux autant qu'unité. Jamais distrait, suffit d'une seconde pour te quitter. Des biceps dans la tête et au moins 10 brefs dans la fête. De l'amour à la guerre, de l'arme aux as. C'est l'exalourd. C'est l'exalourd. Et ouais, j'avoue, je suis fier de mon équipage. Toujours efficace, même dans les moments délicats. Très loin, déricalement, lyricalement qualifié. Dédicace à ceux qui savent. C'est l'exalourd. Des milliards d'âmes qui oublient que la terre est à nous. Y'a ce étalant, le bordel et ce débordant de talent. Un homme de lettres apportant des nouvelles ou pas des manants. Mon esprit est manant. C'est l'exalourd. Ma clairvoyance, l'humanité c'est défaillance. Où le guerrier vaillant face aux gardiens de l'enfer. J'avance, assaillant, vigilant en permanence. De la science à mes croyances. C'est l'exalourd. Tranquille posé, avant d'être tranquille osé. Envie de causer de tout et de monter mes projets. Et chaque prose me rapproche de la proche. J'ai marché mes proches dans la peau. C'est l'exalourd. Reprends mes propos, trop dur, torturer les métronomes. Crash sur l'état frauduleux, en hommage au vrai bonhomme. Mes yeux cernent le monde à l'heure où il dort encore. Je me suis décerné le micro d'or. C'est l'exalourd. Dirigé par des gardéreux, le peuple est cadavérique. D'idem disait, sois pas ceux qui crient, vive à l'Amérique. Entre les continents, les océans, les pays, les déserts, j'ai la mérité halle. C'est l'exalourd. Et j'irai même graver la mémoire de l'éphémère. Une balle perdue logée dans les ménages de la terre-mère. J'y laisserai mes vertèbres du prolongat du pilon sur des prods de Billy Box. C'est l'exalourd. Un retour aux sources au delta après toutes ces mauvaises passes. C'est pour ceux qui me suivent qui me laissent place dans leur espace vital. Et qui connaissent le mot respect, je ne m'occupe pas du reste. C'est l'exalourd. Conçu pour durer, donc je taffe une chose à la fois. Implorer les cieux, ne pas choper le cancer de la foi. Sans lumière, je me sentirais vide, ils ont forgé ma bravoure. Alexandre Kulevitch. C'est l'exalourd. Je le revendique, et le son authentique retentit. Mon télépinte m'amplifie pendant que le temps file. T'entends mon style hostile quand je le sers. Du nécessaire à l'essentiel. C'est l'exalourd.